Ah, on s'est bien énervé. Allô? Allô? Allô? 话。 Qui c'est qui a mangé le caca des chiens? Alors attends, là c'est pas mal ça. Faut que je mette sur Hey. Gros bug. Attends, internet. Ah bah j'ai plus de son, moi, tiens. Ah ouais, CPU over. Un petit problème de CPU. Une dernière. Pas carré. Thank you.